Voici enfin de larges extraits de la 7e provinciale. Monsieur, après avoir apaisé le bon père, il me parla des maximes de ces casuistes touchant les gentilshommes à peu près en ces termes. Vous savez, me dit-il, que la passion dominante des personnes de cette condition est ce point d'honneur qui les engage à toute heure à des violences qui paraissent bien contraires à la piété chrétienne. De sorte qu'il faudrait les exclure presque tous de nos confessionnaux, si nos pères n'eussent un peu relâché de la sévérité de la religion, pour s'accommoder à la faiblesse des hommes. Mais, comme ils voulaient demeurer attachés à l'Évangile par leur devoir envers Dieu et aux gens du monde par leur charité pour le prochain, ils ont eu besoin de toute leur lumière pour trouver des expédients qui tempérassent les choses avec tant de justesse qu'on pût maintenir et réparer son honneur par les moyens dont on se sert ordinairement dans le monde, sans blesser néanmoins sa conscience, afin de conserver tout ensemble deux choses aussi opposées, en apparence, que la piété et l'honneur. Mais autant ce dessein était utile, autant l'exécution en était pénible. Car je crois que vous voyez assez la grandeur et la difficulté de cette entreprise. « Elle m'étonne, lui dis-je assez froidement. »« Elle vous étonne, me dit-il, je le crois. Elle en étonnerait bien d'autres. Ignorez-vous que, d'une part, la loi de l'Évangile ordonne de ne point rendre le mal pour le mal et d'en laisser la vengeance à Dieu, et que, de l'autre, les lois du monde défendent de souffrir des injures sans en tirer raison soi-même, et souvent par la mort de ses ennemis. Avez-vous jamais rien vu qui paraisse plus contraire? Et cependant, quand je vous dis que nos pères ont accordé ces choses, vous me dites simplement que cela vous étonne. Je ne m'expliquais pas assez, mon père. Je tiendrais la chose impossible si, après ce que j'ai vu de vos pères, je ne savais qu'ils peuvent faire facilement ce qui est impossible aux autres hommes. C'est ce qui me ferait croire qu'ils en ont bien trouvé quelques moyens que j'admire sans le connaître, et que je vous prie de me déclarer. »